Ce marquage en pointillé large est celui des voies réservées. Ce panneau précise que cette voie est réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire à ceux qui ne peuvent excéder 60 km/h. Suite à un incident mécanique, je circule à 40 km/h. Je peux donc continuer à circuler dans cette voie. Réponse A.